La deuxième partie de la Bible, appelée Nouveau Testament, débute par l'annonce de la naissance de Jésus. Dieu l'avait promis à Abraham, à Moïse, aux prophètes. Il allait envoyer son Fils, le Seigneur, le Sauveur, le Messie. Dieu choisit Marie, une jeune fille de Nazareth, pour être la maman de Jésus. Elle est mariée à Joseph, un charpentier. Jésus naît à Bethléem, la ville du roi David, et grandit à Nazareth, en Galilée. Chaque année, Jésus se rend en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents pour les fêtes de la Pâque. Une année, quand il a 12 ans, ses parents ne le retrouvent plus. Ils le découvrent au bout de 3 jours dans le temple de Jérusalem, parlant avec les spécialistes de la Bible. Quand Marie lui demande pourquoi il ne les a pas prévenus, Jésus répond « Ne sais-tu pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» C'est-à-dire dans la maison de Dieu. À 30 ans environ, Jésus quitte Nazareth et part annoncer la bonne nouvelle. Il s'entoure de 12 personnes, les apôtres. Pendant 3 ans, ils suivent Jésus. Ils le voient faire des choses extraordinaires, les miracles. Ils l'entendent parler de son Père. Tout le monde n'aime pas Jésus, car il s'occupe des plus petits et des plus pauvres, et surtout, il dit qu'il est le Sauveur annoncé par Dieu. Alors, certains décident de le faire mourir. Lui qui a passé sa vie à faire le bien meurt sur une croix par amour pour tous les hommes. Mais Dieu, son Père, lui redonne vie. Il est vivant, ressuscité le jour de Pâques. Et depuis, le mal, le péché, la mort n'ont plus les derniers mots. Jésus est plus fort que la mort. Nous aussi, nous ressusciterons. Les chrétiens reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. Il est Dieu. Ils l'appellent le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie.